fut un jour, j'y ai cru, fut un jour, je n'étais plus perdu, fut un jour, libéré, fut un jour, j'étais enfin, enfin, j'y étais. Longtemps que je pouvais marcher là où je voulais. Là où je voulais, je marchais. Là où je pouvais, j'y allais. Même jusqu'au sommet, poser une pierre en haut du grand rocher. Fut un jour, j'y ai cru. C'était vrai. Là, perdu. Là, bien perdu, là. Je suis là, bien perdu. Enchaîné, je ne sais quoi. Qui fait suer. Qui te pète la tête et qui ne sait plus jouer correctement. Oh,